Dit est le début, on m'avait dit que ça se passerait comme ça. Si au moins on m'avait prévenu, si on m'avait laissé le choix, alors j'serais peut-être resté tout au fond des couilles de papa. C'est vrai que la seule compétition où j'ai un jour été gagnant, c'était cette grande course à la con pour aller jusqu'à l'ovule de maman. J'aurais mieux fait caler au fin fond des couilles de papa. Surtout que la pause est terminée et que...